alla même sur son refroidissement. Ils ne sont plus ces jours délicieux où mon amour respectueux et tendre, à votre cœur sa voix se fait entendre. Où vous m'aimiez, où nous étions heureux. Vous adorez, vous le dire et vous plaire. Sur vos désirs, réglez tous mes désirs. C'est toi mon sort. J'y bornois mes plaisirs. Aimé de vous, quel vœu pouvois-je faire? Tout est changé. Quand je suis près de vous, triste et sans voix, vous n'avez rien à dire. Si quelquefois je tombe à vos genoux, vous m'arrêtez avec un froid sourire, et dans vos yeux s'allume le courroux. Il fut un temps, vous l'oubliez peut-être, où j'y trouvois cette molle langueur, ce tendre feu que le désir fait naître, et qui survit au moment du bonheur. Tout est changé, tout, excepté mon cœur.